Ésaïe chapitre 25. Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses, les conseils pris dès longtemps se sont trouvés être la fermeté même. Car tu as fait de la ville un monceau de pierre, et de la forte cité une ruine, le palais des étrangers qui étaient dans la ville, ne sera jamais rebâti. Et à cause de cela le peuple fort te glorifiera, la ville des nations redoutables te révérera. Parce que tu as été la force du chétif, la force du misérable en sa détresse, le refuge contre le débordement, l'ombrage contre le hâle, car le souffle des terribles, est comme un débordement qui abattrait une muraille. Tu rabaisseras la tempête éclatante des étrangers, comme le hâle est rabaissé dans un pays sec, le hâle, dis-je, par l'ombre d'une nuée, le branchage des terribles sera abattu. Et l'Éternel des armées fera à tous les peuples en cette montagne un banquet de choses grasses, un banquet de vin étant sur leur mer, un banquet, dis-je, de choses grasses et moelleuses, et de vin étant sur leur mer, bien purifié. Et il enlèvera en cette montagne, l'enveloppe redoublée qu'on voit sur tous les peuples, et la couverture qui est étendue sur toutes les nations. Il détruira la mort par sa victoire, et le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de dessus tout visage, et il ôtera l'opprobre de son peuple de dessus toute la terre, car l'Éternel a parlé. Et l'on dira en ce jour-là, voici, c'est ici notre Dieu, nous l'avons attendu, aussi nous sauvera-t-il, c'est ici l'Éternel, nous l'avons attendu, nous nous égayerons, et nous réjouirons de son salut. Car la main de l'Éternel reposera sur cette montagne, mais Moab sera foulé sous lui, comme on foule la paille pour en faire du fumier. Et il étendra ses mains au travers de lui, comme celui qui nage les étangs pour nager, et il rabaissera sa fierté, se faisant ouverture avec ses mains. Et il abaissera la forteresse des plus hautes retraites de tes murailles, il les renversera, il les jettera à terre, et les réduira en poussière.